à tous. Vous êtes sur Play FM 89.9 avec l'émission Bric-à-Brac Haïdé. Aujourd'hui, nous recevons Sabine qui va nous dire son nom de famille. Bonjour Sabine. Bonjour. Comment dites-vous votre nom de famille? Moi, je n'arrive pas à le dire. Sabine Devligueur. Devligueur. Devligueur. Devligueur. D'accord, on ne dit pas le L. Si, si. On le dit. Ah, c'est notre accent, c'est pas le même. Bonjour Josie. Merci Claudie. Bonjour l'équipe, bonjour Sabine. Merci, bonjour. Bonjour Monique. Bonjour l'équipe de Bric-à-Brac, bonjour Sabine. Bonjour, bonjour Alain. Merci. Bonjour tout le monde. Et je vais vous dire qu'il y a deux places à gagner. Alors, c'est... Non, il y en a même quatre. Alors, deux places à gagner le 15 avril. C'est au Paul Claude, Camille Claudel. C'est le festival Jean Ferrat. C'est à 17h30. C'est pour aller écouter quelqu'un qui va rendre hommage à Henri Tachan. Et il y a deux places le vendredi 14 avril à 20h30, toujours au même endroit, au Paul Camille Claudel. C'est Natacha Berriche qui chante Lumière Noire. Voilà. Je crois que maintenant qu'on a posé, on va faire une pause, qu'on a posé le programme. Et on se retrouve tout à l'heure, Sabine. Vous allez tout nous dire sur l'arbre de paix et les boîtes de paix. C'est un vaste programme très, très riche et très intéressant. À tout à Merci. L'heure. On dirait que c'est mal parti, cette histoire. Étranglé par les sanglots. Sur un banc sans maquillage et sans phare, elle s'est fait larguer dans le métro. Circuler, y a vraiment, vraiment rien à voir. Et même si le monde vient de s'écrouler, on n'en parlera pas dans les journaux du soir, car il n'y a qu'elle qui le sait. Il n'y a qu'elle qui le sait. Les larmes de son corps, Rose pleure encore, encore. Ça me fend le cœur. Je détourne le regard quand Rose pleure, Je vais prendre mon courage à deux mains, aller m'asseoir à côté d'elle. Peut-être que ça ne servira à rien, peut-être que je vais me prendre un coup de pelle. C'est étrange comme je me sens bien plus proche des gens qui pleurent au grand jour. Les autres attendent les mains dans les poches, le prochain train, le prochain tour. Le prochain train, le prochain tour. Rose pleure, toutes les larmes de son corps. Rose pleure, encore, encore. Ça me fend le cœur. Je détourne. C'est mal vu, on n'aborde pas les inconnus. Il faudrait pourtant faire quelque chose. Tout le monde s'en fout ou personne n'ose. Rose pleure, toutes les larmes de son corps. Revenu sur Fly FM 89.9 et excusez-moi, j'ai oublié de vous dire pour les jeux, vous pouvez appeler le 04 88 50 18 21 04 88 50 18 21. C'est un standard. Ou alors sur notre page Facebook, vous donnez votre nom, votre numéro de téléphone et on vous rappelle et on vous fait gagner une place. Mais nous avons d'autres jeux, nous le dirons à mesure. Voilà. Donc, Sabine, dites-nous, qui êtes-vous, Sabine? Dites-nous tout. Je crois que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Eh bien, voilà, je viens aujourd'hui en tant que représentante de la France au niveau du mouvement mondial de la gentillesse, donc the World Kindness Movement. Et nous avons implanté l'antenne France ici en 2015. Et suite aux attentats en 2015, le 13 novembre, eh bien, nous avons développé tout un programme international autour des arbres de paix pour développer la paix et la bienveillance. Donc ces pratiques-là, ça s'apprend, ça se cultive, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, surtout, ce sont les enfants qui sont victimes de ces petites violences qui sont quotidiennes et des plus grosses violences partout aussi, puisque c'est un mouvement mondial. Et donc nous travaillons avec nos collègues au sein du World Kindness Movement pour développer ces programmes-là aussi dans les pays en non-paix et dans des pays qui connaissent des situations vraiment dramatiques. Et les enfants sont les premières victimes, et les jeunes aussi. Ce n'est pas qu'une problématique qui se passe ailleurs. Ici, les enfants sont en difficulté, et les jeunes aussi, de plus en plus, parce que leur futur est très menacé. Ils n'ont plus de repères aujourd'hui. Il y a beaucoup de violence, et on comprend le stress que vivent les adultes au jour d'aujourd'hui, avec des pressions de résultats qui sont énormes sur les épaules des gens, des familles, des enseignants aussi et des chefs d'établissement. Et donc, voilà, c'est une problématique sociétale, collective, et donc on propose des programmes et des solutions collectives pour justement s'entraider mutuellement, ne pas se juger ou se jeter la pierre, mais au contraire, on se serre la main. C'est une dynamique donc vraiment citoyenne. Et on s'entraide vraiment dans cette dynamique-là. Et c'est pour ça qu'on propose cette opération d'échange des boîtes pour la paix autour de cette dynamique des arbres pour la paix. Et vous travaillez avec qui exactement? Donc nous travaillons avec des personnes en local pour que ces personnes puissent partager l'information et qu'il y ait un maximum de personnes et d'écoles qui puissent participer à ce programme-là. Et donc ça, c'est formidable, il y a vraiment des personnes qui en parlent, que ce soit à des associations de parents d'élèves, à des enseignants, à des chefs d'établissement, même à des éducateurs. Et donc c'est tout le monde qui s'y met pour nos enfants et autour de nos enfants, parce qu'ils ont besoin d'aide aujourd'hui. Et en France, est-ce que vous êtes implantés partout? On est implanté partout, oui, même à l'île de la Réunion, et il y a de plus en plus aussi d'actions qui se mènent là-bas. Et donc, on est partout, on est tant au local que sur le plan national et international, parce que c'est le même problème, enfin, c'est le même problématique, programme, bien sûr. Et partout aussi qui est proposé. On va faire une petite pause et après, on va parler de votre programme dans les détails. À tout à l'heure. Bonjour Fly FM 89.9, nous rappelons que nous avons quatre repas à gagner au break au Ponté à côté d'Auchan. Claudie, tu peux me dire le téléphone si c'est zéro, vous appelez chez nous 04 88 50 18 21, 04 88 50 18 21 sur la page Facebook, et vous mettez votre nom et votre numéro de téléphone et on vous rappellera. Et on continue avec Sabine. Mais et bien sûr. Ces petites boîtes au sein de, que vous voulez diffuser en France au sein des écoles, je crois. Et je vous écoute. Voilà, donc l'opération des boîtes créatives pour la paix, c'est une opération que nous menons, c'est une grande opération collective de gentillesse et de bienveillance. Et chaque élève est invité à aller chercher une boîte à chaussures et à la remplir de toute une série d'objets, mais surtout de matériel scolaire, de matériel aussi de jeu, et de matériel qui permettent à d'autres élèves, donc dans des pays moins favorisés et où ils connaissent des situations de paix. Donc nous travaillons cette opération-ci entre les écoles de France, de Belgique et les écoles au Rwanda, République démocratique du Congo et du Burundi. Donc il va y avoir une opération d'échange, c'est-à-dire que les enfants là-bas vont aussi avoir l'occasion de pouvoir remplir ces boîtes-là pour pouvoir se souhaiter la paix. Au fait, c'est ça, on va s'entraider pour qu'on puisse vivre plus de paix. Et donc, les enfants ici vont être amenés à remplir cette boîte avec des crayons. des crayons de couleur, des bics, des feutres, des cahiers, des classeurs. Mais aussi quelque chose qui le vient du cœur. Oui, qui nounours, comme voilà, c'est ça. Donc un jeu, quelque chose qui pense, ben ça pourra lui apporter plus de paix, pourra lui faire plaisir. Et puis il y a évidemment du matériel qui manque de base, d'hygiène, donc les brosses à dents, un dentifrice, un savon, et bien ça apporte de la paix aussi. Et c'est nécessaire et vital là-bas. Alors il y a une chose qui est vraiment très importante que nous encourageons vraiment à chaque élève à mettre, c'est un sachet ou des sachets de semences et de graines. Parce que nous menons une grande opération là-bas, qui est une première dans ces trois pays-là, mais qui va être développée dans 12 autres pays en Afrique. C'est que les élèves puissent commencer à cultiver des légumes dans les classes, une culture verticale, pour pouvoir pallier à cette problématique aussi de faim et d'autonomie, de ne pas devoir retourner et aller dans les villes pour pouvoir plus tard avoir de l'argent et avoir un travail. Donc c'est de pouvoir aussi dans les villages développer toute une dynamique d'autonomie et que les enfants puissent prendre en charge cette dynamique de nourriture, d'alimentation, de culture et toute cette dynamique sociale qui est reliée à toute cette dynamique d'autonomie alimentaire. Et il y a une grosse problématique et au fait les jeunes peuvent agir aujourd'hui et les enfants dès le plus jeune âge. Donc cette dynamique autour des graines et de pouvoir cultiver et amener à la maison des légumes toutes les semaines, nous sommes en lien avec un enseignant dans le Bronx qui fait ça, il fait un travail formidable avec les enfants et donc ça a été démontré comme étant possible avec des moyens très très simples. Il y a moyen de cultiver de manière à ce que chaque enfant puisse ramener un sac toutes les semaines de légumes dans sa famille. Et donc voilà, c'est toute cette dynamique autour de la nature, de la vie aussi qu'on développe. Et puis donc il y a l'essentiel pour nous qui est dans ces boîtes, ce sont, on va en reparler peut-être juste après. Voilà. Oui, on verra après la continuité. Une petite pause et on continue. Voilà. À tout à l'heure. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub. Sans pub. bienvenue sur Play FM 89.9 avec Sabine. Et avant de continuer avec Sabine, il y a deux places à gagner au Théâtre du Sablier, Cover Shop, ça s'appelle. C'est le 29 avril à 21h. À Orange, cours Aristide de Briand. En haut, là, à côté du Grand Théâtre. Voilà, et vous nous appelez, enfin vous mettez un petit mot sur la page Facebook ou alors vous appelez le 04 88 50 18 21. C'est notre standard. Voilà, nous continuons avec Sabine et nous allons embrayer sur les arbres de paix. Elle a fini pour les boîtes? Non, elle n'a pas fini. On continue sur les boîtes. Vous êtes chez vous. Voilà. Sabine, vous gênez pas. Merci. Donc, j'étais en train d'expliquer ce que nous invitons les élèves à mettre dans ces boîtes. Ces boîtes qui seront récoltées en cette fin d'année scolaire-ci. Ils seront récoltés, je vous expliquerai juste après comment et par qui, très très concrètement. Donc, l'objectif, c'est surtout de fêter ensemble la Journée mondiale de la paix. La Journée mondiale de la paix, c'est le 21 septembre. Tout le monde sait, c'est la rentrée. Voilà. Mais pour cela, nous menons cette opération ici en cette fin d'année scolaire, parce qu'il y a énormément de gâchis au niveau du matériel et qui est très très précieux là-bas. Les enfants, s'ils n'ont pas accès au matériel, s'ils ne peuvent pas fournir un certain nombre de matériel, ne peuvent pas rentrer à l'école. Donc c'est en ça qu'on peut s'entraider, parce qu'ici, ben, un bic, qu'est-ce qu'on s'en fout, on le jette facilement. Or là-bas, ça a énormément de valeur. Et c'est vraiment aussi de replacer la valeur des choses au centre. Et on a tellement l'habitude d'avoir une abondance incroyable. De gaspiller. Voilà, et donc c'est un des objectifs. Un autre objectif est aussi, donc, on invite les élèves à mettre dans cette boîte un message, un poème, un dessin de ce qu'il souhaite dire à cet autre enfant, de ce qu'il souhaite offrir comme message de paix pour souhaiter le bonheur à l'autre, il le reçoit de l'autre côté et pour qu'il soit plus heureux. Donc cette dynamique de créativité est pour nous vraiment très très importante. C'est aussi de voir que nous avons tous des qualités, nous avons tous des dons de cœur, et même si nous n'avons pas beaucoup de matériel, on peut créer, on peut contribuer au bien-être des autres en leur offrant de la joie, en offrant quelque chose qui vient de notre cœur. Et cœur, un message de cœur a énormément de valeur et fait vraiment beaucoup de bien. Donc c'est cette dynamique-là qui nous permet aussi de dire que les enfants là-bas vont pouvoir remplir à nouveau les boîtes pour que les enfants ici puissent récupérer des boîtes remplies pour fêter ensemble la paix. Donc ces enfants ont aussi souhaité la paix aux enfants ici, parce que c'est vrai que c'est un échange. Voilà, hein. Tout à fait. Donc on sort de cette dynamique de colonialisation où c'est nous qui avons et c'est eux qui sont pauvres, mais finalement on se rend compte que la pauvreté, elle se situe ailleurs aujourd'hui. Oui, il y a des gens qui ont le cœur sec. Voilà, c'est ça. Et donc cette dynamique de fraternité est vraiment très très importante aujourd'hui pour rétablir cet équilibre que nous avons tous et dont tous une valeur, et peu importe où nous vivons. Et on peut tous apporter quelque chose aux autres, les uns les autres. Et ils sont déjà en train de prévoir des choses là-bas. C'est très, très beau d'entendre toutes leurs idées. Il y a des choses... Et la dernière, c'est d'introduire une photo. On va parler du programme des arbres de paix. Et un des éléments du programme des arbres de paix, c'est de partager sa colombe de paix. Donc, c'est un mouvement qu'ils apprennent en état de cohérence cardiaque et donc en respiration paisible. Ils vont chercher la colombe qui est en paix dans leur cœur, dans leur nid. Et cette colombe d'amour, ils l'envoient après. Et c'est un très beau geste qu'ils envoient. Les enfants le font tous ensemble. Ils se réconcilient comme ça aussi, on en parlera juste après. Mais en tout cas, il y a moyen de filmer ça. Et donc, ce que j'ai oublié de dire, évidemment, qui est vraiment important, c'est que ce sont des anciens casques bleus. C'est une équipe d'anciens casques bleus. Donc des personnes qui sont parties... Et qui savent comment où est le terrain, comment c'est est ça. Le terrain. Et surtout qui ont risqué leur vie pour la paix. Bien sûr. Et le maintien de la paix, qui souhaitent continuer leur mission de paix. Et donc qui vont récolter, eux, les boîtes dans les différentes écoles, partout en France et en Belgique, les récolter et les acheminer là-bas pour les distribuer sur place aux enfants. On va faire une pause, après vous nous donnerez le contact. Voilà, hein, tout à l'heure. Le meilleur des hits. Le meilleur des hits. Fly FM. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. FM 89.9. N'oubliez pas de nous contacter pour le théâtre du Sablier à Orange et les places au break pour 4 repas à gagner au 04 88 Claudie 50 18 21. Puis en plus, on a 2 séances d'hypnose. Ah oui, alors, si n'oublions ça vous pas avec Fred Masseur. Alors voilà, ou sur notre, vous nous contactez sur notre page Facebook ou au 04 88 50 18 21. Qu'on a reçu mercredi dernier. Voilà. On continue avec Sabine et nos boîtes. Et je crois que là, on a expliqué un peu en quoi ça consistait, comment elles allaient être acheminées. Et aussi, il faudrait peut-être qu'on ait les coordonnées afin de vous contacter. Voilà, donc, je vous écoute. Voilà, donc nous invitons vraiment toutes les personnes du Vaucluse ici, de toute la région, parce que étonnamment, il n'y a pas encore d'école du Vaucluse qui participe. Donc vraiment, je pense que l'information doit passer. Il y a des écoles qui participent déjà à Marseille, sur Biarritz, dans le Nord, en Alsace, mais voilà, pas encore. Je pense que c'est une belle occasion, ça crée une belle émulsion, surtout autour de cette dynamique de fin d'année scolaire. De se focaliser un petit peu sur le positif, parce qu'avec toute cette élection présidentielle, vraiment pour les enfants, c'est difficile, toute cette ambiance, ce climat. Donc voilà, de fêter tout ce qui a été positif toute cette année, parce qu'il y a des choses magnifiques qui se passent dans les écoles, et de le faire autour d'un arbre de paix, donc autour de cette dynamique des boîtes pour la paix. Donc toute l'opération est décrite sur le blog. Vous pouvez aller donc au www.bienveillance-en-action.blogspot.com. toute cette opération est donc décrite. Vous avez l'opération des boîtes pour la paix. Et vous avez les fiches d'inscription pour les écoles, pour les associations de parents d'élèves aussi. Et tout est expliqué, y compris avec voilà, les poids maximales, enfin tout ça. Vous pouvez toujours me contacter. Voilà. Comme je suis de la région, je vais vous donner mon numéro de portable, le 06 77 09 68 49. Et l'objectif, c'est vraiment que tous les citoyens puissent s'y mettre et que ce devienne une grande fête collective autour des enfants et des arbres magnifiques de notre région. Et quand c'est que ça se passe à la fin de l'année, la fête de l'arbre de paix? Il y a une date précise? Donc, il y a la journée mondiale de l'arbre de paix qui est le 1er juin. Donc, c'est vrai que nous invitons si de le vivre ensemble. C'est évidemment très, très chouette. Et comme les arbres sont tous connectés, c'est l'occasion de se connecter tous à nos arbres. Donc, on parle d'arbres existants dans les cours de récréation. C'est très simple d'inaugurer un arbre de paix. Tout le monde le fait comme il le veut. Ça peut être une ronde. On peut le faire de manière créative. On peut le faire avec les parents, avec toute la communauté éducative. Tout le monde peut le faire à sa manière. Et cet arbre est désigné comme étant l'arbre de paix. Et vous allez voir tout ce qui va se passer autour. C'est extraordinaire. Tout ce que les enfants vivent autour de leur arbre de paix. Tout ce que ça irradie aussi comme communication avec les parents. Mais vraiment, ça crée un climat de respect. Et surtout, les enfants partagent leur colombe, encore une fois, et qui rayonne sur tous les arbres autour et donc la région, les arbres de la région autour de l'école. Donc tous les arbres sont contaminés, on va dire, et deviennent des arbres de paix dans la région. Est-ce que ça, vous l'avez déjà fait l'année dernière? Les arbres de paix? Oui. Oui, il y a déjà plusieurs écoles qui ont inauguré leur arbre de paix. Donc on a fait une phase test du programme, évidemment. Donc ça, c'était très important avec des écoles pilotes dans 9 pays dans le monde. Et donc tout ça est démontré scientifiquement. Donc on a fait le pré-test, post-test pour démontrer ces effets. Positif. On a beaucoup de films aussi, des témoignages d'enseignants, d'élèves, de parents aussi. Et c'est très très beau de voir ce qui se passe. On va faire une pause et après on finira. Ouais. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub. Sans pub. Rouler les yeux fermés et ne plus rien penser. Du ciel en enfer, on se laissera glisser. Rouler vers les vallées, c'est pour la liberté. Puisqu'on peut rien en faire, allez vas-y, accélère. C'est un jour. Thank you. revenu sur Fly FM 89.9 avec Sabine. Alors Sabine, expliquez-nous l'arbre de paix. Comment ça se passe? C'est quoi le programme? On veut tout savoir. Alors je vais résumer. Hein, oui. Voilà. Donc c'est un programme que nous avons élaboré avec une équipe de spécialistes en pédagogie parce que la problématique est mondiale aujourd'hui. Donc nous avons dégagé 5 facteurs clés scientifiquement démontrés chacun comme étant source de paix intérieure et aussi source de paix avec les autres. Alors donc, c'est quoi ces 5 points? Voilà, alors le premier c'est justement, c'est pour ça qu'on parle d'arbre de paix, c'est de se reconnecter aux arbres et à la nature. Mmh. Si on le fait plusieurs fois par jour, vraiment c'est vital pour l'être humain aujourd'hui qui s'est totalement éloigné de la nature et de sa propre nature. Notre propre nature, elle est paisible, elle est aimante, elle est généreuse, elle est altruiste. Donc aujourd'hui, le mental a pris le dessus et l'inquiétude, la peur, le stress est partout. Donc pour revenir dans cet état d'apaisement et notre vraie nature, la nature est formidable pour ça. Et les enfants aujourd'hui ont besoin de ces repères des arbres, de repères solides. C'est pour ça qu'on désigne des arbres existants et le plus grand possible, si racines, possible. Qui ont des racines profondes. Voilà. C'est ça, pour pouvoir faire face au futur qui est anxiogène pour eux. Ils ont besoin aujourd'hui de pouvoir vraiment retrouver leur équilibre, être bien enraciné, bien ouvert au monde, comme l'arbre. Je pense que c'est un très très bon coach pour l'être humain aujourd'hui, les arbres. Donc, et le second point. Voilà, le second point, donc, c'est de se reconnecter à sa respiration en conscience plusieurs fois par jour. Si on fait ça, on a la possibilité de se relier à cet espace de paix en nous. La nature a tout prévu pour que nous puissions être en équilibre psychophysiologique, comme on dit, et donc de pouvoir retrouver cet état de calme, de centrage, d'attention parfaite, qui fait qu'à ce moment-là, on est là, dans cette pleine présence, et on est attentif aux choses. Donc on donne... Au cours de cette formation, on donne tous les manuels, tous les outils pédagogiques aux enseignants pour qu'ils puissent pratiquer des petits jeux, exercices de respiration, et pleine conscience, voilà, avec les enfants. Donc il y a les 5 exercices des arbres de paix. C'est vraiment extraordinaire à faire ensemble, aussi en famille, avec les enfants. Et donc aussi les exercices au retour des récréations pour avoir rapidement l'attention des enfants, la concentration et ne pas devoir crier et passer énormément de temps à développer donc un autoritarisme violent, mais développer une autorité source et génératrice de paix et d'un climat paisible, de bien-être aussi qui maintient l'estime des enfants. Et le troisième point? Le troisième point, c'est de se reconnecter plusieurs fois par jour à l'énergie d'amour qu'on a dans notre cœur. Aujourd'hui, voilà, donc ça, c'est un élément qui est devenu un grand tabou, de parler d'énergie d'amour. Or, c'est vraiment ce qui nous rend le plus heureux. L'être humain a énormément d'énergie dans son cœur. Moi, je suis formatrice à la cohérence cardiaque. L'état de cohérence cardiaque est cet état où la conscience descend au niveau du cœur, qui est utilisé par les pilotes de l'armée de l'air et les plus grands sportifs de haut niveau. Donc c'est un état démontré comme étant celui qui nous met le plus en connexion avec le tout. Et c'est là où on est en contact avec notre plus haute intelligence. Donc voilà, cette connexion-là, c'est important de la faire plusieurs fois par jour. Et à ce moment-là, eh bien, on vit paisiblement dans les liens avec l'autre, parce que pouvoir rencontrer l'autre de cœur à cœur est vraiment la chose qui nous rend le plus heureux. On va faire une pause et on finira avec le point 4, le point 5. Avant de faire une pause, juste une minute. Dites-moi, Sabine, est-ce qu'on peut avoir sur un site, ou alors c'est en même temps, le même site, les 5 trucs là pour s'ancrer avec les enfants? Vous avez, il y a quelque chose ou... Voilà, donc en fait, les enseignants et toutes les personnes peuvent s'abonner, parce que là, donc il y a un abonnement qui est prévu. Oui. C'est un abonnement sous forme de don. Et à ce moment-là, ils reçoivent tous les manuels avec tous les exercices, tous les éléments nécessaires pour pouvoir le pratiquer de manière autonome, avec toutes des idées pour pouvoir le développer au sein de leur classe de manière autonome. Voilà, donc ça, c'est prévu. On fait une petite pause et on se retrouve. FM. Tout de suite, une nouveauté Fly FM. sur mon coussin comme un dessin, comme une tache. C'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Pour un café un peu mal fait, une bricole. Quand on se bat, moi je voudrais qu'on en rigole. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, blessez-moi. Quand moi aimais-toi. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, moi blessé. Moi. Les gens ne comprennent pas qu'on le supporte, que je me mouche dans tes bras, sois ma carotte. Prendre la peine de s'abîmer, faire des scènes au lieu d'aimer, et faire l'amour par dégoût du dégât. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, blessez-moi. Quand moi aimais-toi. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, moi blessé. Moi. Comme un dessin, comme une tache. C'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Et ce coussin d'ici demain, après l'orage, sera témoin que l'on sait bien tourner la page. Fly FM 89.9, Sabine, on a fait les arbres de paix, les boîtes. Et est-ce que vous avez d'autres trucs à nous parler? Oui, elle va nous parler du point 4 et du point 5 parce qu'on s'est arrêté au point 3 tout à l'heure. Voilà, on parlait donc des 5 facteurs clés importants pour, du programme Un arbre de paix dans mon école. Donc le troisième, c'était de se reconnecter à l'énergie du cœur. Le quatrième, c'est suite à ça, évidemment, de se reconnecter avec sa créativité. C'est vital pour l'être humain de créer. Ça, c'est vrai. Et aussi, évidemment, d'entreprendre pour le mieux-être des autres. Mener des initiatives d'action en classe ou en famille pour le mieux-être des autres, ça amène énormément de paix, de bien-être et un sens à la vie nouveau et à l'école aussi. Et le cinquième point, c'est donc de fêter les progrès. C'est très important, plusieurs fois par jour, de marquer les progrès. On le voit même dans nos propres vies. Et de le faire ensemble, dans la classe, de pouvoir aussi fêter tout ce qu'on a réussi à atteindre, progresser et réussir à faire. En cette fin d'année scolaire, c'est vraiment le moment de le faire aussi avec toute la communauté, les parents et des élèves et des enseignants, parce que souvent, on est focalisé sur ce qui ne va pas et ce qu'on n'a pas fait. Tout à fait, le négatif et pas le positif. Tout à fait, c'est vrai, les parents ont souvent tendance à gronder leur enfant, mais on a aussi tendance à oublier qu'il faut les féliciter. Mais moi aussi, j'aime bien qu'on me félicite. Hein. Oui, je crois que c'est humain. Mais c'est vrai. Hein, c'est vrai, ça fait avancer. On a tendance à dire, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, mais on leur dit pas, ah mais c'est bien, t'as fait ci, mais c'est bien, t'as fait ça. Tout à fait. Il faut tout le à faire. Mais je crois que les adultes, c'est pareil. Hein. Tout à fait. Voilà, l'estime de soi, sinon, c'est toujours négatif, on se décourage. Hein. Tout à fait, et ça donne confiance en soi. Bien sûr. C'est vraiment un des éléments fondamentaux à la paix. De développer l'estime de soi et la confiance en soi, parce que quand on est dans cette dynamique de je suis un grand arbre de paix, parfait comme je suis, L'autre est un grand arbre de paix comme il est. Nous sommes une forêt d'arbres et les enfants l'apprennent dès le plus jeune âge. Dès 2 ans et demi, on a des classes. Et bien à ce moment-là, il y a une tolérance et un respect aussi. Chacun a sa place sur Terre. Vous commencez à 2 ans et demi? Oui, absolument. Et on a même une maison de retraite. Il y a des personnes de 80 ans. C'est génial ça. Voilà, ça les aide beaucoup, notamment dans des phases de deuil. Et voilà, donc c'est merveilleux. C'est le même programme partout, autour de ces 5 facteurs clés. Sabine, est-ce que vous pouvez nous redonner votre site pour que les gens aillent voir? S'ils ont envie de s'abonner, ils s'abonnent. Bien sûr. Hein, vous nous le donnez comme ça. Donc c'est www.bienveillance-en-action.blogspot.com. Voilà. Donc on fait un appel aux chefs d'établissement, aux instituteurs, et s'ils ont envie, et voilà, ils vous contactent. Absolument, vraiment, et c'est une mobilisation générale, c'est comme ça qu'on va y arriver tous ensemble, si tout le monde on en parle, et ça crée une émulsion de joie. Bien sûr, et une dynamique positive, je pense. D'augmenter le bon et le beau aujourd'hui, c'est vraiment vital, et retrouver cette joie tous ensemble, autour des petites choses simples et voilà, et merci la nature, merci aux arbres magnifiques dans notre région. Ouais, oui, en ce moment, ils sont magnifiques. Merci à vous, surtout à Fly FM. Et à Linda, un petit bonjour spécial, Linda, notre ambassadrice. Si tu nous écoutes, voilà. On a le temps de parler d'un livre. Bon, Alain, oui, on t'écoute pour la lecture. Alors, bref, je vous présente Nuit de Bernard Minier aux éditions IXO. Alors, Bernard Minier avait déjà écrit précédemment Glacé, qui a été adapté sur M6 en série, avec le héros qui est un policier, Martin Servaz. Nuit de tempête en mer du Nord, secoué par des vents violents, l'hélicoptère dépose Kirsten Nygaard sur une plateforme pétrolière. Inspectrice norvégienne enquête sur le meurtre d'une technicienne de la base offshore. Un homme manque à l'appel. En fouillant sa cabine, Kirsten découvre une série de photos. Étrangement, sur plusieurs clichés, un policier français, Martin Servaz, apparaît. Apparemment, il a été suivi et épié. Quelques jours plus tard, Kirsten est à Toulouse dans le bureau de Martin. L'absent sur la plateforme pétrolière s'appelle Julian Hirtman. C'est le tueur retors et insaisissable que le policier poursuit depuis des années. Kirsten lui tend alors une autre photo, celle d'un enfant. Au dos, juste un prénom, Gustave. Serait-ce le fils du tueur et de Marianne, la compagne de Martin, qui a été enlevé par Hitman, ou l'enfant de Marianne et Martin, ou bien est-ce que tout cela n'est pas un piège diabolique que leur tend Hitman? Alors, Kirsten et Martin, pour eux, ça va être le début d'un voyage terrifiant, et le dénouement est absolument stupéfiant. Ah, alors, je vous répète, surprenant. Nuit, Bernard Minier. Oh, j'aime bien Bernard Minier. Le suspense, c'est jusqu'au bout. Ah, il ne veut rien me dire. Oui. Mais si, c'est le suspense. On fait une pause. Fly FM. Fly FM. Le meilleur des hits. Je suis resté quelques heures à regarder dehors. Regarder. La pluie tombée sur mes peurs et tombée sur mon corps. Je suis resté le tour de mon nid, chasser mes démons. Monter sur le fil, ouais, seul avec mon bâton. J'ai laissé ma dérive guider quelques instants. J'ai regardé les deux rives, j'ai regardé devant. Les pieds dans le sable, faire le tour de mon île. Et même si c'est instable, je suis bien sur le fil. Je sens le vent entre mes doigts. Oh, je suis à l'équilibre. La fin dans ce couloir immense qui mène à mon chemin. Au loin derrière la ville, là devant l'horizon, remonte sur mon fil, enfant, seul avec mon bâton. Je suis resté tout là-haut pour écouter le vent. J'ai laissé mon bateau guider quelques instants. Les pieds dans le sable, faire le tour de mon île. C'est instable, je suis bien sur mon fil. Je sens la vie entre mes doigts. Oh. Je suis à l'équilibre. Je reperdrai le temps. Quitte à tout perdre, je veux tout prendre. Quitte à tout prendre, je veux tout perdre. Quitte à tout perdre, je veux tout prendre. Quitte à tout prendre, je veux tout. Je suis à l'équilibre. Oh, tap tap tada. Voilà, revenu sur Play FM 89.9 et Josie va nous parler d'un film qui sort aujourd'hui, je suppose. Oui, aujourd'hui. Non, le 5 avril. Ah. Le 5 avril est sorti, mais ça dure 49 minutes. Pourquoi? Je pense parce que c'est pour des petits-enfants. D'accord. C'est, en fait, c'est quatre petits films, c'est des films d'animation. Et en fait, c'est Jo, un enfant sourd et solitaire, et qui tombe sur un adorable petit robot irrésistible. Qui est tombé du ciel, ce petit robot. Il s'appelle Cléa Molette et cette découverte va bouleverser sa vie. Et ils vont vivre quatre petites aventures. Et il y a Chemin d'eau pour un poisson, qui est de Mercedes Maro. Le renard minuscule, qui est de Sylvia. Alors, je m'excuse pour nom de famille, parce que... Skilads. Et Aline Kenter. Il y a La cage de Loïc Bruyère. Et Cléa Molette et Jo de Stéphane Pierrat. Où on s'intéresse aux jeunes spectateurs sourds et malentendants. Oh, c'est bien ça. Donc ce sont des petites histoires compréhensibles pour le public entendant ou non. C'est des petits courts-métrages qui ont été créés par le studio Folimage. Et ça permet aux plus petits de découvrir les aventures hautes en couleur de quatre jeunes héros autour du thème de la différence et de la tolérance. Et ça vide donc le jeune public. Les adultes et accompagnateurs peuvent aussi être séduits par la qualité et des graphismes et le sérieux des thèmes abordés. Et aussi, on éveille discrètement les jeunes, on en revient un petit peu à ce que disait Sabine, on éveille discrètement les plus jeunes à la nature et aux animaux. Ah oui, c'est dans le thème. Voilà. Et c'est un film français, Folimage, américain. Je crois que c'est en France. Hein? Ça, tu vois, tu me poses des questions pièges. Oh là là. C'est connu, Folimage, comme studio. Oui, ça me dit quelque chose. Oui. Ils ont déjà fait d'autres films d'animation. Voilà, c'est... Donc c'est les vacances, c'est pile poil pour les enfants. Oui, parce que au cinéma, il y a pas mal de petits dessins animés, de dessins animés pour les vacances. Ouais, mais moi j'aime bien aussi. Alors moi je voulais vous dire que vendredi 14 avril à Monteux, à la chapelle des Pénitents Noirs, c'est la soirée Manu Swing. Donc c'est dans le cadre Soif de Culture, c'est à 20h30, le tarif c'est 6 euros. C'est une formation qui prend plaisir à renouveler les standards du genre, ainsi que les musiques plus actuelles, en y ajoutant un nuage de composition. Vous fêterez l'héritage que nous a laissé Django Reinhardt et Stéphane Grappelli. Et Fly FM tiendra la buvette. Et je crois que c'est dans le cadre de culture du cœur pour les gens qui ont des faibles revenus pour aller voir ça. Oui, il y a des... Oui, au micro. Oui, je crois que c'est dans ce cadre-là. D'accord. Tu as quelque chose à nous... Oui, vite fait, sachez que pour la Yora Sarian, la 24e Grand Prix de Stock Car qui se tient pour le lundi de Pâques à 14h au sein de la Sainte-Croix. Mm-hmm. Je pense cette année, ils auront beau temps. Donc, vous avez des voitures qui partent un peu dans tous les sens et qui se tapent dessus, qui tournent sur elles-mêmes. Ça fait du bruit. Ça fait énormément de bruit, mais ça attire aussi beaucoup de monde. C'est gratuit pour les moins de 12 ans et c'est 7 euros l'entrée pour les adultes. D'accord. C'est dimanche et lundi ? Moi, écoute, j'ai la pub devant les yeux. Il y a marqué lundi de Pâques. 14h. D'accord, oui, c'est ça. Moi aussi, j'ai eu l'affiche devant mes yeux. C'est ça. Est-ce qu'on a le temps de faire la course? Non. On fait une pause. Allez. Fly FM. Tout de suite. Une nouveauté Fly FM. Thank you for your presence here. USLA. So funny. We heard all about your crazy heavy appraising. Lola, Lola. Lola. souviens-tu quand tu me parlais d'être père, envie d'ailleurs, le bonheur parmi nous. On regardera leur sourire, leur humeur dans la lumière. On s'embrasera d'amour dans des années, des années. Moi des milliers de jours. Lola et Lou. Lola et Lou. Lola, Lola. FM 89.9, Monique, tu nous embarques dans les courses? Tu vas faire beau ce week-end? Oui, je vous embarque dans les courses. Alors, j'en ai sélectionné quelques-unes, à savoir le samedi 22 avril, vous avez un trek, c'est du VTT, Trek Ventoux Extrême MTB, première édition à Bédouin, et ça va durer jusqu'au dimanche 23 avril. C'est un parcours unique avec spécial chronométré. C'est organisé par l'association Ego Bike et la mairie de Bédouin. Donc si vous voulez plus d'informations, je pense que vous pouvez aller sur le site www de la mairie de Bédouin. C'est un raid qui se court en équipe de deux concurrents, qui se déroule donc sur deux jours. Le samedi, c'est l'ouverture à 8h30 avec une dernière étape à 17h, une nocturne qui fait Bédouin Savoyant, qui finit par un repas et un bivouac. Ça peut être assez sympa. En plus, c'est bon là-bas. Ah oui. Et ensuite, le jour 2, donc le dimanche, vous avez d'autres étapes. Fait, voilà. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à consulter le site d'Ego Bike. Le dimanche 23, vous avez également la 32e rando VTT du Val de Durance à Ville-Laure. Alors là, vous avez 6 circuits VTT, un 16, un 24, un 30, un 32, un 40 et un 43. Il y a de très beaux parcours fléchés sur les contreforts du Luberon et de magnifiques singles. Ravito copieux. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Je pense que tu fais de la course à pied, mais que tu te régales devant la nature, les arbres, l'herbe. C'est un besoin, c'est un besoin vital. C'est vrai que c'est. Je veux dire, tu cours, mais tu respires. C'est indispensable. Et puis tu vois des endroits magnifiques. Exactement. Mmh. Et je finis par le dimanche 16 avril, une course à pied, la Farigoulette à Cabrières-d'Avignon. Vous avez un 8 et un 13 km. Voilà, cette émission se termine. Merci à vous d'avoir... Merci à Sabine. Oui, je crois que Sabine va nous redire comment on peut la contacter. Bien sûr. Eh bien, voilà, merci à vous tous. Je voulais remercier aussi, évidemment, tous les acteurs locaux ici qui nous aident, et vous aussi. Donc, Max Delors, évidemment, mon collègue Roche, qui a fait ce programme avec moi. Merci aussi donc aux maisons de retraite qui sont invitées à participer aux boîtes pour la paix, fabriquer... Ouais. Des trousses, donc si vous connaissez autour de vous des personnes donc, qui travaillent en maison de retraite, de mobiliser les personnes pour participer aux boîtes pour la paix. Merci à chacun d'en parler aux parents, aux enseignants. Et puis vraiment merci aux enfants, parce que les enfants ont besoin aujourd'hui de repères, mais surtout aussi de contribuer au mieux-être des autres. Ils sont très très désemparés d'être impuissants face à cette misère aujourd'hui. Oui. Et de pouvoir aider, ça leur fait un bien fou. Et donc voilà, allez voir la vidéo sur le blog, donc www.bienveillance-en-action. Merci. Voilà, la semaine prochaine, c'est autre chose. Oui. Je vous indique que cette émission est diffusée vendredi 14 avril à 14h. Et mercredi prochain, donc nous serons le 19 avril, nous recevrons Bruno Salari qui va présenter un mystère et une miss. Voilà, c'est autre chose. Merci. Allez, bye bye tout le monde. Au revoir. Au revoir.